Chapitre 30. La petite Suzon. La maison où Jeanne avait consenti à entrer, sur la promesse formelle que le roi n'y entrerait lui-même qu'en plein jour et qu'elle pourrait recevoir qui bon lui semblerait, était disposée de la façon suivante. L'entrée d'abord. Une pièce à droite, une à gauche. Celle de droite était occupée par l'office et la cuisine, celle de gauche par la cuisinière et deux filles de service. Au fond de l'entrée s'ouvrait l'antichambre. À droite de l'antichambre, la salle à manger. À gauche, un petit salon. Salle à manger, antichambre et salon donnés par des portes-fenêtres sur un jardin assez vaste et parfaitement entretenu, entouré de hautes murailles difficiles à escalader. Il n'y avait à ces murs qu'une petite porte bâtarde par où entrait tous les matins un jardinier qui ne pénétrait jamais dans la maison et qui, une fois son ouvrage fait, se retirait. Dans l'entrée, un petit escalier tournant permettait d'accéder au premier étage qui comprenait 5 pièces dont la plus petite était occupée par la femme de chambre et dont les 4 autres, assez vastes, constituaient l'appartement privé de la maîtresse. Chambre à coucher d'une royale élégance, grand salon atelier, comme c'était la mode à cette époque où toutes les grandes dames faisaient de la peinture, de la musique et même de la gravure, boudoir encombré de bibelots et enfin magnifique cabinet de toilette. La femme de chambre était cette fille même qui avait ouvert au roi et que Bernice avait signalée à Monsieur Jacques. Elle était, pour ainsi dire, l'intendante de cette maison qu'elle menait au doigt et à l'œil. Elle régnait despotiquement sur les 3 domestiques, c'est-à-dire sur la cuisinière et les 2 filles de service, qui ne devaient jamais franchir l'entrée ou monter en haut que sous sa surveillance et qui, leur besogne achevée, disparaissaient dans leur coin, Suzon seule demeurant en relation avec la maîtresse de séance. C'était une fille de 22 ans, très fine, très exercée à tout comprendre à demi-mot, d'une discrétion à toute épreuve et enfin très apte aux fonctions qui lui étaient dévolues. Bernice l'avait peinte d'un mot, une fine mouche. Suzon, comme tout être vivant au monde, avait son idéal. C'était une rusée commère, à demi-normande, à demi-picarde, le grand La Fontaine eût dit « normande à demi ». Elle avait un bon sens pratique et une façon d'envisager la vie qui lui faisait un peu mépriser et pas du tout envier ce qui l'entourait. Elle avait résolu de vivre heureuse, à sa guise, et n'avait pas tardé à comprendre tout ce que la vie des grands cache de misère morale et de servitude. Qu'on n'aille pas en conclure à une certaine fierté de caractère. Suzon était une jolie matoise, voilà tout. Et quant à son idéal, que nous avons promis d'exposer, nous allons l'entendre développer par elle-même. Dès le lendemain du jour où Jeanne était entrée dans la maison, Bernice, comme on l'a vu, s'était mise en campagne en allant trouver le chevalier d'Assas à l'auberge des 3 Dauphins. « Voilà la première partie de mon œuvre, » se dit-il quand il fut rentré au château. « Reste la deuxième, la plus difficile, » qui est de pénétrer dans la maison et de séduire la jolie Suzon. Bernice, qui était surtout homme de comédie et d'intrigue, était prodigieusement intéressé par ce qu'il allait entreprendre. En somme, il avait mission de se mettre au mieux avec Suzon et de lui faire certaines propositions que lui avait fort clairement exposées Monsieur Jacques. Il fallait tout simplement amener Suzon à trahir le roi et Berrière. Le roi passe encore, songeait le poète abbé, mais le lieutenant de police, ce sera difficile. Le lendemain, donc, il s'en vint rôder autour de la maison en plein jour. Pendant 2 heures, il ne vit rien. Les volets étaient clos. La maison paraissait abandonnée. Mais la grande qualité de Bernice était la patience. Il patienta comme le chasseur à l'affût. Et sa constance fut enfin récompensée. Sans doute, s'il n'avait rien vu, on l'avait vu, lui, de l'intérieur. Car, à un moment donné, l'une des fenêtres du premier étage s'ouvrit, comme si on eût voulu aérer une pièce, et Suzon parut, mais elle ne sembla nullement avoir aperçu Bernice. Celui-ci n'hésita pas. Il fit rapidement quelques pas en avant et, de son bras valide, il avait toujours le gauche en écharpe, il fit un signe, puis envoya un baiser. Suzon eut un éclat de rire et referma la fenêtre. Mais elle avait vu Bernice. Elle avait vu qu'il était blessé. Et bien qu'elle ne fût pas d'une sensibilité excessive, elle ne put s'empêcher de tressaillir. Peut-être Bernice avait-il compté un peu sur l'impression que produirait sa blessure, un bras en écharpe étant toujours une chose intéressante pour les femmes, ces douces créatures qui, au fond, ne rêvent que plaisébos et sont toujours enchantées d'un récit de bataille. Bien entendu, c'est l'opinion de Bernice que nous donnons là. Quant à la nôtre, nous supposons que nos lectrices n'en ont que faire. Bernice, donc, une fois son baiser décoché, continua à errer d'un air très malheureux autour de la maison. « Peste soit de la donzelle » maugréait-il. « Je lui envoie un baiser que la spirituelle Madame de Rohan eût trouvé admirablement coquet, et elle me rit au nez. Est-ce que je serais moins avancée dans ses bonnes grâces que je ne le supposais ?» Le soir vint. Les ombres enveloppèrent peu à peu le quinconce sous lequel errait le triste Bernice. Il faisait froid. Un âpre vent du nord faisait grelotter les branches dépouillées. Et Bernice grelottait lui-même. Il lança un dernier regard à la maison en murmurant. « Demain, je lancerai un billet. J'ai pris contact avec l'ennemi, c'est suffisant pour une première journée. » Et il allait se retirer lorsque tout à coup la porte s'entr'ouvrit et se referma aussitôt après avoir livré passage à une femme encapuchonnée jusqu'au nez. Peut-être, cependant, cette femme ne prenait-elle pas toutes les précautions nécessaires, car Bernice la reconnut aussitôt, c'était Suzon. Elle passa à trois pas de lui sans paraître le remarquer. Bernice alors s'approcha et salua avec autant de galanterie raffinée que s'il se fût agi de Madame de Rohan en personne. « Je ne permettrai pas, murmura-t-il, qu'une aussi charmante demoiselle s'aventure la nuit sans cavalier. » Suzon poussa un petit cri effrayé. « Ah ! Vous m'avez fait peur, monsieur !»« Eh quoi ! J'aurais eu le malheur d'effrayer la plus jolie fille que je connaisse, celle pour qui je donnerais mon cœur et ma vie, la toute belle et charmante Suzon !»« Comment, monsieur ? Vous me connaissez ?» s'écria Suzon avec une surprise très bien jouée. « Cruel ! » répondit Bernice avec une passion non moins bien jouée. « Pouvez-vous parler ainsi, alors que vous savez très bien que je vous aime et que vous m'avez vu soupirer ?»« Ma foi, monsieur, » dit Suzon en riant, et cette fois elle ne mentait pas, « je vous avoue que je ne vous ai jamais vu soupirer. » En effet, c'était elle, au contraire, qui avait lancé force-yade auquel Bernice était demeurée indifférent. « Oh, ciel !» s'écria le petit poète. « Est-il possible que vous n'ayez jamais remarqué ? Mais je vous arrête là, dans ce courant d'air glacial. Pardonnez-moi et prenez mon bras, je vous en supplie. Je veux, comme je vous l'ai dit, vous servir de cavalier. Dites-moi seulement où vous allez. »« Vous êtes bien honnête, monsieur, » fit la soubrette en esquissant une révérence. « Je vais chercher des gants pour madame. » Bernice tressaillit. Il n'y avait pas de marchand de gants à Versailles, qui n'était encore qu'un village, ou plutôt un château, avec quelques rares ruelles autour. Donc Suzon mentait. Donc Suzon était sortie pour lui. « Des gants ! » s'écria-t-il. « Je ne souffrirai pas que vous vous exposiez à la bise et aux mauvaises rencontres pour si peu. Je vous en apporterai une boîte. » Suzon parut réfléchir quelques instants. « Vraiment ? » fit-elle. « D'honneur, les dames de la cour me chargent toujours de ces commissions-là. » Suzon fut extrêmement flattée de se trouver tout à coup sur le même pied que les dames de la cour. « Donc, » continua gravement Bernice, « je vous en apporterai une boîte. »« Et quand cela ? » ?»« Dès ce soir, charmante Suzon, si vous voulez bien me dire où je dois vous les remettre. » Mais ici même ? Ici, vous n'y songez pas. J'ai tant de choses à vous dire. Et puis, pensez que je suis blessée et que le grand air peut me faire du mal. Oh mon Dieu, c'est vrai ! Écoutez, monsieur de Bernice ! Ah ! S'écria Bernice, vous savez mon nom ? Suzon parut très confuse de son étourderie et jeta un nouveau petit cri. Me promettez-vous, reprit-elle, d'être discret, prudent et silencieux ? Discret comme une soubrette, prudent comme un aveugle, silencieux comme un muet, car les amoureux sont muets et aveugles tant qu'il ne s'agit pas de contempler leur idole et de chanter ses louanges. Eh bien, dit alors Suzon, trouvez-vous ce soir à 10 heures à la petite porte du jardin. Sur ces mots, elle se sauva, légère et gracieuse, comme une vraie soubrette qu'elle était. Bernice demeura tout étourdie de son prompt succès et murmura. « Ah ! J'eusse préféré un peu plus de résistance. Les choses vont trop bien. Il doit y avoir quelque anguille sous roche. La petite Suzon est peut-être plus fine encore que je ne croyais. » Tout en faisant ses réflexions, qui prouvaient sa grande prudence, mais non son expérience du cœur des femmes en général et des soubrettes en particulier, Bernice se retira assez inquiet. « Basse, nous verrons bien, » finit-il par se dire. Vers 9 heures, il fit donc une toilette soignée, cacha un pistolet dans son manteau, assura un bon poignard à sa ceinture et, ainsi armé en guerre, se rendit au rendez-vous. À 10 heures précises, il grattait à la petite porte du jardin qui s'ouvrit aussitôt. Suzon parut, mit un doigt sur ses lèvres pour lui recommander le silence et, le prenant par la main, après avoir refermé la porte du jardin, l'entraîna jusqu'à la porte-fenêtre du petit salon du rez-de-chaussée. Une fois qu'elle fut entrée, elle ferma soigneusement, tira les rideaux et alluma une lampe. « Tout le monde dort dans la maison, » dit-elle alors, « mais il faudrait bien peu de choses pour réveiller madame, qui a le sommeil très léger. Ainsi, monsieur, parlons à voix basse, s'il vous plaît. Vous m'apportez les gants ?»« Les gants ?» fit Bernice. Il ne songeait déjà plus à la comédie des gants. « Ma foi, je les ai oubliés. J'ai tant pensé à vous. « Oh, monsieur, vous allez me faire gronder, chasser peut-être !» Bernice, pour détourner la conversation de cette pente, poussa à ce moment un soupir de souffrance et se tâta le bras gauche. « Pauvre monsieur, » dit Suzon, réellement ému, « vous souffrez. Vous avez donc été blessé ?»« Oui, un duel, une forte saignée au bras gauche. Mais l'insolent l'a payé sur le champ, vu que je l'ai traversé de part en part. « Ah, mon Dieu !» s'écria Suzon, en oubliant elle-même le prétexte qui légitimait la présence de Bernice. « Un duel ? Pour quelques dames, sans doute ?»« Si je vous dis pour qui, me croirez-vous sur parole ?»« Oui, car les gentilshommes comme vous ne donnent pas en vain leur parole. » Eh bien, fit Bernice avec un admirable aplomb. « C'est pour vous. »« Pour moi ? Vous vous moquez, monsieur ?»« Non pas. D'honneur, c'est pour vous que je me suis battue. Et que voyez-vous là d'étrange, puisque je vous aime ?»« Vous m'aimez ?» Bernice vit que le sein de Suzon palpitait. La jolie soubrette rougissait. Quoi qu'elle en eût, et si fine qu'elle fût, elle était flattée de s'entendre dire par un gentilhomme qu'elle était aimée, tout comme une dame de la cour. Le gentilhomme était jeune, bien fait de sa personne et semblait sincère. De plus, il parlait avec une sorte de respect qui, pour Suzon, était un enivrement de sa vanité. « Comment pouvez-vous douter que je vous aime ? » reprit Bernice. « Ne l'avez-vous pas déjà compris ? Aurais-je rôdé autour de cette maison ? Serais-je ici, à vos genoux, charmante Suzon ?» Effectivement, Bernice tomba à genoux. Suzon était ravie. Elle prit Bernice par la main et, le relevant, « Mais comment et pourquoi vous êtes-vous battue pour moi ? demanda-t-elle. « Je vais vous le dire, » répondit Bernice, qui, pris de court, chercha et trouva à l'instant dans sa fertile imagination le motif demandé. « Vous connaissez M. Berrière, n'est-ce pas » fit-il. « C'est-à-dire... » fit Suzon en tressaillant. « Pas de secrets avec moi, Suzon. Je suis moi-même, vous le savez sans doute, le secrétaire intime du lieutenant de police, et je sais que c'est lui qui vous a placé ici. » « Eh bien oui. Et alors ?»« Alors, voici. Il y a 3 jours, devant moi, M. Berrière expliquait à un gentilhomme, que vous me permettrez de ne pas nommer, ce qu'il attendait de vous. »« Oh, M. Berrière m'avait pourtant bien juré !»« Ne vous y fiez pas, Suzon. Berrière est un homme sans scrupules. Il expliquait donc à ce gentilhomme que, par vous, il était certain de connaître certains secrets de Sa Majesté. Alors, le gentilhomme se mit à rire et prononça, à votre égard, quelques paroles que je jugeais malsonnantes. Je ne dis rien. Seulement, lorsque l'insolent sortit, je le suivis, je le rattrapai dans la rue, et, le saluant de mon mieux, je lui fis remarquer que le nœud de son épée n'était plus à la mode et qu'il était difficile d'en trouver de plus ridicule. Mon homme se fâcha. J'insistai, tant et si bien que nous nous alignâmes dès le lendemain matin dans un coin du Luxembourg. « Pour moi ? Vous avez fait cela pour moi ? » « Et pourquoi François de Bernis ne se serait-il pas battu pour celle qu'il aime ?» En parlant ainsi, Bernis avait enlacé la taille de Suzon. La jolie fille, qui ne demandait d'ailleurs qu'à capituler, se défendit pour la forme et finit par accorder le baiser qui lui était demandé. « Suzon !» s'écria alors Bernice, comme s'il eût été transporté d'amour. « Suzon, je t'aime. Il faut que tu m'accordes un rendez-vous. »« Ne vous l'ai-je pas accordé, puisque vous êtes ici ?»« Oui, mais je veux que tu viennes chez moi. »« Chez vous ?»« Oui, au château. Ne crains rien, c'est moi-même qui t'y conduirai. » Et ce sera une charmante escapade. De plus, tu verras de près les magnificences du château et jusqu'à la chambre du roi, car j'ai mes entrées partout. Suzon fut éblouie, mais ce fut avec un soupir qu'elle répondit « C'est impossible. » « Rien n'est impossible à l'amour, Suzon. Puisque je t'aime, je me fais fort de... »« Oh, l'impossibilité ne vient pas de vous ?» fit Suzon en souriant. « Elle vient de moi. Je ne puis quitter mon poste. Non seulement je serai chassée, mais encore je risquerai la colère du roi et la vengeance de monsieur le lieutenant de police. » Et redevenant la fille sérieuse et la matoise calculatrice qu'elle était au fond, elle expliqua. « Vous saurez une chose, monsieur de Bernis. D'abord, mon enfant ne m'appelle pas ainsi. « Appelle-moi François. Et puis, pour que je puisse mieux te comprendre, viens t'asseoir sur mes genoux. » Suzon ne se fit prier que juste ce qu'il fallait. Elle s'assit donc sur les genoux de Bernice et lui jeta gentiment un bras autour du cou. Ainsi posée, elle était vraiment jolie et peut-être, en somme, le sentiment qu'elle éprouvait pour Bernice lui donnait-il cette beauté. « Eh bien !» reprit-elle. « Vous saurez, monsieur... François, que j'ai fait un rêve. »« Un rêve de jolie femme, j'en suis sûre. »« Non, un rêve de paysanne, tout bonnement, » répondit Suzon, non sans esprit. « Ceci est plus grave, » pensa Bernice, qui se prépara à écouter attentivement. « Savez-vous, » reprit Suzon, « ce que me donne monsieur Lebel, le valet de chambre de Sa Majesté, pour le service que je fais ici ? Je ne m'en doute pas, ma mignonne. 1000 livres, peut-être. 2 500 livres par an, monsieur. Oh, oh, mais je n'ai pas d'avantage pour mes fonctions de secrétaire de la lieutenance. Bon, maintenant, savez-vous ce que me donne monsieur Berrière pour un mot que je lui fais tenir de temps en temps ? 2 500 livres par an. Total 5 000 livres. Mais sais-tu que tu chiffres comme si tu avais étudié le mémoire sur le calcul intégral de M. d'Alembert ? Ajoutez que, sur les menus frais de la maison, je puis mettre de côté, bon an, mal an, 1 000 000 de livres. Ce qui fait 6 000, monsieur. Or, j'ai calculé que si j'arrive seulement pendant 6 ans à me maintenir dans ce poste de confiance, je me trouverai posséder 36 000 livres, soit 40 000 livres en chiffres ronds, ce qui est un beau denier. Ici, Bernice éclata de rire. « Qu'avez-vous, monsieur ? » dit Suzon. « J'ai par Dieu que voici un entretien d'amour qui ne manque pas de piquant. Au moins est-il original. »« Eh, monsieur, chacun cause d'amour comme il peut. Et puis, j'ai vu si souvent les chiffres et l'amour marcher de pair. » « Continue, ma fille. Tu es pétrie d'esprit et je ne suis qu'un bonnet. » « Je continue donc. Il y a 2 ans que je suis ici. Il me reste 4 ans à demeurer sage et fidèle, à tenir à mon poste. Dans 4 ans, j'aurai 26 ans. C'est-à-dire que je ne serai pas encore laide. Avec mes 40 000 livres, je trouverai facilement un époux à mon goût. » « Et alors tu t'établiras à Paris ?» « Né ni, monsieur. À Paris, avec mes 40 000 livres, je serai pauvre. Et si je montais un commerce, je risquerais de tout perdre. Tandis qu'à Morienval, près de Villers-Cotterêts, avec cette somme, je serai une dame. J'achèterai un moulin, des prés, une ferme et un mari par-dessus le marché. » « Ah, bravo, ma petite Suzon. Je ferai un compte avec ton histoire et il aura du succès. » « Vous voyez donc bien que je serais folle de risquer tout le bonheur de ma vie uniquement pour voir de près le lit du roi et sa robe de chambre. Et je les vois d'ailleurs, d'ici. » Bernice était devenue très grave. Il suivait son idée fixe, qui était d'amener Suzon à déserter son poste. « Écoute, fit-il tout à coup, tu raisonnes à merveille, mais il faut absolument que tu contentes mon envie. Je veux te voir chez moi, tant je t'aime, être bien sûr que tu es tout à moi. » Suzon secoua la tête. « Viens chez moi, reprit brusquement Bernice, et tu y trouveras d'un coup ce qu'il te faut 10 ans pour amasser ici, c'est-à-dire non pas 40 000, mais 60 000 livres. » Suzon pâlit et jeta un profond regard sur Bernice. « Parlez-vous sérieusement ? » demanda-t-elle d'une voix rapide. « Jamais je ne fus aussi sérieux que ce soir, » dit Bernice froidement. « J'ajouterai seulement qu'en ayant l'air de déserter, vous aurez peut-être rendu un immense service au roi et à d'autres personnages importants. » Suzon palpitait. 60 000 francs ? Son rêve réalisé d'un coup et sans effort. Elle eut l'intuition très nette que Bernice plaisantait pas et qu'il agissait pour le compte de gens redoutables et puissants. Elle comprit que la fortune passait à sa portée et qu'il fallait la saisir au vol. Et comme c'était une femme de beaucoup de tête et de volonté sous ses airs de soubrette gentille, elle se décida. Mais ce ne fut qu'après de longs pourparlers qu'elle capitula ouvertement. « Il faut vraiment que je vous aime, » dit-elle. « Vous m'avez ensorcelée, je crois. Quand voulez-vous que je vienne ?»« Je ne sais, mon enfant. Peut-être demain, peut-être dans 8 jours. Je viendrai te chercher moi-même. » « Et en attendant ?»« En attendant, je viendrai ici tous les soirs et tu m'expliqueras minutieusement en quoi consiste ton service. »« Voudriez-vous me remplacer ici ?» s'écria Suzon en riant. « Peut-être, » répondit gravement Bernice. Bernice, tout étourdie de son succès et presque inquiet d'avoir si rapidement mené à bien une si grave opération, se rendit tout courant à la ruelle au réservoir et, bien qu'il fût très tard, fut mise aussitôt en présence de M. Jacques. « Monseigneur, dit-il, la petite Suzon est à nous. Elle quittera la maison quand je lui ferai signe. J'avoue même que le prompt succès de cette affaire m'inquiète. » Soupçonneriez-vous cette fille de jouer avec vous double jeu ? Fit vivement Monsieur Jacques. Je ne sais trop, monseigneur. En tout cas, je dois vous prévenir que, si elle nous obéit, cela coûtera un peu cher. Combien ? Demanda Monsieur Jacques en se rassérénant. 60 000 livres, monseigneur. C'est énorme, mais... Vous avez promis 60 000 livres ? J'ai promis qu'elle les trouverait chez moi le soir où elle quitterait la maison. Et que ne disiez-vous cela plus tôt, mon enfant ? Elle viendra. Il est inutile d'y songer davantage. Vous m'aviez parlé d'amour, de yade, que sais-je ? Et j'étais quelque peu inquiet. Mais du moment qu'il est question d'argent, tout s'arrange. Ainsi, monseigneur ? Ainsi, mon enfant, demain, les 80 000 livres seront chez vous. Allez. Mais, monseigneur, j'ai dit 60 et non 80. Eh bien, les 20 000 restants seront pour acheter le papier sur lequel vous écrivez de si jolis vers à Madame de Rohan. Bernice se courba en deux et demanda. Vous n'avez pas d'autres ordres à me donner, monseigneur ? Non, attendre. Vous tenir prêt à faire sortir cette petite de la maison et à y faire entrer à sa place la nouvelle femme de chambre que vous aurez à conduire. À propos, on me signale la présence à Versailles de Monsieur d'Étiolles et d'une façon de secrétaire qu'il traîne après lui, un sieur Damien. Il faudrait voir ce que veut cet homme. Monsieur le Normand d'Étiolles, il court après sa femme. Monsieur Jacques ne daigna pas sourire de cette innocente plaisanterie et demeura glacial. « Je veux parler de ce Damien, » dit-il. « Voyez-le et cherchez à savoir qui il est, ce qu'il veut, où il va. » Bernice salua profondément et se retira, léger comme un gueux, dans la bourse duquel viennent de tomber 20 000 francs. « Décidément, » se dit-il, « la fidélité et le dévouement ont du bon. »